الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وصلى الله على نبينا محمد تسليما مزيدا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Dans le sens où Allah dit, il t'interroge sur le mois sacré s'il est permis d'y combattre. Dit, y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers lui, c'est-à-dire d'être mécroyant envers lui, ainsi que le masjid al-haram, la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. Et le shirk est plus grave que le meurtre. Ce verset, la cause de sa descente, est que certains musulmans avaient tué des mushrikines durant le mois de Rajab, qui était un mois sacré. Et c'est une chose qui était gravissime chez les mushrikines, de combattre durant les mois sacrés. Donc de là, en voulant blâmer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cet acte, ils lui ont dit, dans le sens, comment, qu'en est-il de tuer lors de ce mois? Donc de là, Allah Azzawajal a fait descendre ce verset pour dire que c'est une chose qui est grave, mais que eux, ce que font ces mouchilikoun est plus grave encore. C'est encore plus grave. Et il a dit, le shirk est plus grave que le meurtre. Donc le shahid par rapport à ce verset, c'est que des gens viennent pour tenter de salir l'islam et de tenir son image avec des choses qui peuvent paraître comme étant, on va dire, s'opposant à la nature humaine ou autre, alors que eux-mêmes font pire, et bien pire, et bien pire que cela. Donc les gens, face au haq, on peut en trouver de deux extrêmes et un juste milieu. L'extrême, l'un des extrêmes, parmi les hostiles et les opposants, ce sont ceux qui ont une haine contre l'islam et les musulmans, et s'acharnent à vouloir attaquer le dîn, quitte à le salir, quitte à mentir, ou inventer, ou déformer. À l'instar des koufars, des munafiqines et des anadiqa. Ces gens-là font tout pour anéantir cette religion. Et à l'autre extrême, parmi ceux qui sont affiliés, eux, à l'islam, qui, eux, font tout pour se faire aimer, justement, des koufars, et se faire accepter, et s'acharnent à vouloir faire accepter leur vision de l'islam. On ne va pas dire qu'ils veulent faire accepter l'islam, mais leur vision qu'eux, ils ont de l'islam. Et eux-mêmes, kazalik, quitte à mentir, ou à inventer, ou à innover, faire des concessions, donnant, et se ramollissent devant les koufars. Sur des questions parmi celles qui offusquent l'opinion publique. Ces questions que les gens soulèvent pour dénigrer l'islam. Par exemple, quand ils parlent du djihad, ce qui concerne al-wala al-bara, la lance des aveux, le hijab de la femme, la place de la femme dans la société, l'homosexualité, la polygamie, le mariage de la muslima avec un kitabi et autres. Tout le monde essaie de trouver sa sauce pour pouvoir tenter de plaire aux koufars, ou même les koufars qui, eux, tentent de salir l'islam. Parce que ces questions-là, celles-ci, sont les principales, les plus fréquemment débattues, et il y en a d'autres. Donc là, ce sont deux extrêmes. Et il y a les gens du wasat, ahl al-wasat, le juste milieu, qui eux tentent d'appliquer au mieux la religion, de faire da'wah, sans tamir, c'est-à-dire sans se ramollir, sans négligence, sans laxisme, ni roulou, c'est-à-dire ni excès, et disent les choses telles qu'elles sont, cependant avec hikmah, en observant les mansalih et les mafasid. Ils observent les intérêts et évitent les nuisances. Par exemple, ils voient des sujets, il n'y a pas lieu de les évoquer. Ou, forcément, les évoquer d'une façon, sans arriver forcément dans leur intégralité, par rapport à la personne à qui tu parles. Hein, tu exposes les choses par étapes, par échelons, et des fois, les choses, faut y aller directement être franc et direct. Faut regarder la situation. Et parmi ces questions justement qui sont soulevées par certains pour salir l'islam ou d'autres qui veulent défendre l'islam, il y a cette masala de l'estirbad, qui est l'esclavage. Car des gens disent, vous critiquez telle et telle chose, en parlant des musulmans, vous permettez de vous croire meilleur que les autres, et votre religion permet l'esclavage. Alors que cela, c'est un crime contre l'humanité, qui a été subi durant des siècles par les Africains. Et eux, ils ne parlent pas de l'esclavage en soi, qui avait vraiment lieu dans les siècles antérieurs, dans les civilisations antérieures. Eux, ils visent particulièrement la traite des Noirs. Car c'est cet esclavage-là qui a marqué les gens, le plus. Et c'est le plus récent. D'accord ? Donc la réponse qu'on va aborder ici, en réalité, soulève elle-même deux questions principales. Une qui est « am », une qui est générale, et une autre question qui est spécifique à l'islam. Concernant la première réponse, qui est l'âme, la générale, c'est pourquoi il y a l'esclavage alors que cela s'oppose aux valeurs humaines. Mais quelles valeurs humaines? Lesquelles? Celles qu'on nous a inculquées depuis son abolition. D'accord? Les valeurs humaines qui ont été inculquées aux nouvelles générations depuis l'abolition de l'esclavage. Amma as-su'al al-khass bil-islam, la question qui est spécifique à l'islam, c'est en quoi cette religion diffère de ce qu'ont commis les blancs occidentaux, c'est-à-dire parmi les Européens et Américains, avec la traite des Noirs justement, comme on l'a dit, qui est considérée comme étant un crime contre l'humanité. Alors que votre religion, vous dites que c'est une religion de miséricorde, c'est une religion de droit, d'équité, et kaza, et kaza, et kaza. On dit naam. Donc là, ce sont les deux questions. Pourquoi l'esclavage? Et la deuxième, en quoi l'islam diffère de ce qu'ont fait les occidentaux blancs avec la traite des noirs? As-su'al al-awwal, al-am, première question, c'est celle-ci demande une connaissance de plusieurs éléments pour comprendre la réponse. Et aussi un cœur ouvert et de l'équité. Car les gens font trop preuve d'émotion et des sentiments là où il n'y a pas lieu d'en faire. Alors qu'à la base, ils se doivent d'accepter les faits, aussi durs soient-ils, acceptés pour le nefs. Et ça, c'est dans plusieurs circonstances, ce n'est pas propre qu'à l'esclavage. D'accord ? À Wallen, le premier élément, c'est « al-iman billahi wa bil yawm al-akhir ». C'est la foi en Allah, et tout ce que cela implique, comme reconnaissance de ses asma, ses noms, wa as-sifat, attributs, wa af'ali, ses actes qui sont parfaits. Ses actes qui sont parfaits. Et sa sagesse qui est complète et parfaite également. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Allah dans son livre à propos de la flagellation des fornicateurs qui sont bikr, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore connu de mariage. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhumā mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawm al-akhir. Donc la fornicatrice et le fornicateur fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié par eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc ça veut dire celui qui croit en Allah et au jour dernier accepte ce jugement et il l'accomplit et il ne fait pas preuve de compassion. Si ce n'est la compassion à avoir pour les autres. Que ce crime ne se perpétue pas au sein des gens. Mais quant au criminel qui, lui, subit la sentence sans tauba, alors on applique cela. Et cela est valable pour l'application de toute sentence ou tout acte que les gens viendraient à juger comme étant une injustice ou qui jugeraient comme étant cruel. Et là, on parle des hudoud al-islamiyya, les sentences en islam. Donc, si l'esclavage est permis, et bien sûr, entre parenthèses, dans certaines conditions, l'esclavage en islam est permis, dans certaines conditions qu'on va citer, inshallah. Donc, c'est qu'il y a forcément une maslaha pour les mujtama'at, sociétés, ou les ibad, les serviteurs. Comme les hudoud, les sentences qui sont appliquées. Si elles sont là, c'est qu'il y a un intérêt à apporter. D'accord ? Le mal, il est à travers nos yeux, notre vision à nous, et le bien est lui prépondérant. Et pour le voir, il faut avoir une vision large. Une vision large. On ne peut pas, par exemple, venir et juger un pays en se basant sur un quartier. Il faut que la personne ait une vision large de tout le territoire pour savoir comment s'organise ce pays-là. D'accord ? Ce n'est pas un quartier qui reflète le jugement d'un pays entier, bien qu'il peut donner des indices. Donc, si tu veux voir large, il faut que tu regardes de loin. D'accord ? Pas le bout de ton nez seulement, il faut regarder de loin. Mais notre ignorance fait plonger dans une vision qui, elle, est restreinte. Donc, tu ne vas pas loin. Et cela va apparaître quand ? À travers la réponse de la deuxième question, qui est khas. Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, si l'individu est croyant et qu'il sait qu'il s'agit du hukm d'Allah, alors il l'accepte, s'y résigne et même s'en réjouit car il ne peut en découler que du khayr. Ma yaful min hukmillah ila khayr. Après, il n'y a aucun mal à essayer d'en comprendre la sagesse lorsque son acquisition est à notre portée sans takalluf. D'accord ? Les hikam des ahkam, si on peut les avoir, tant mieux. Si on ne peut pas les avoir, on n'a pas à aller se surcharger et poser un tas de questions et faire un tas de philosophie pour les comprendre. Si Allah n'a pas voulu qu'on les connaisse, on n'a pas à les connaître. Tant qu'on sait que le hukm il est sahih, khalas, cela nous suffit. Donc on aurait dit, oui, l'esclavage existe en islam. Et il n'est ni abrogé, ni aboli. L'esclavage n'est ni abrogé, il est toujours effectif, ni aboli, mais ne s'applique que sous certaines conditions et certaines circonstances qui vont être exposées, biznillah ta'ala, mukhtasara, en résumé. Donc tout cela, ça nous dirige maintenant directement vers la deuxième question, qui est elle qui est khas, d'accord, à l'islam. En quoi l'islam diffère des autres civilisations dans l'esclavage? Et on l'a dit principalement, la traite des Noirs. Donc déjà, cet islam khas, c'est quoi l'islam khas? Parce qu'il y a l'islam, il y a l'islam qui est âme, ce qui est khas. L'islam qui est âme, c'est celui sur lequel étaient tous les messagers. D'accord? C'est tous les musulmans. Et le khas, c'est celui qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est venu abroger des rites et des règles de l'islam âme. Donc l'islam khas qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui avec les cinq piliers que l'on connaît. Quand il est apparu cet islam khas, l'esclavage était déjà présent. L'islam n'a pas amené l'esclavage. L'esclavage était déjà appliqué par les hommes. D'accord ? Depuis l'aube des temps. Les Arabes de la Jahiliya, comme les Quraysh et d'autres, faisaient déjà la traite des Noirs, qu'ils prenaient depuis Al-Habasha, qui est l'Éthiopie actuellement. Mathalan, le fameux Sahabi, Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, que vous connaissez tous, qui était parmi les premiers à avoir cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était esclave. C'est un esclave. Et il en fut même torturé pour cela, par ses maîtres, pour son islam. Et ils en ont rajouté sur lui, car ils avaient sur eux le pouvoir. Et Bilal fut racheté par Abu Bakr, radiallahu anhu. Vous voyez ? Pourquoi Abu Bakr l'a racheté ? Pour le libérer. Pas pour se servir de lui par la suite. Pour le libérer. Comme il appelle justement l'islam. D'accord ? Ce qui donne une approche à la réponse de cette deuxième question. On va en reparler après. Bismillah. Donc maintenant la question. D'accord ? Vu qu'on dit que l'islam n'est pas comme les autres civilisations, et principalement celle des blancs occidentaux, par rapport à la traite des noirs, qui sont les gens qui sont en droit d'être pris esclaves en islam ? Allah wa sallam. Al-Sheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah ta'ala, dans son charh de Bulugh al-Maram, qui s'appelle Tawdih al-Ahkam, dans le chapitre du Itq, Kitab al-Itq, c'est-à-dire les règles de libération des esclaves, et je précise que ce bab dans les kutub de fiqh, on le trouve souvent à la fin du livre. après Kitab al-Jihad, comme vous allez le comprendre, Inch'Allah. Souvent, c'est pas dans l'absolu, mais souvent. Et la réponse, la raison va apparaître à travers la réponse. فقال إن الإسلام ضيق مورد رق إذا جعل الناس كلهم أحرارا لا يطرى عليهم رق إلا بسبب واحد وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون. Donc il a dit l'islam justement est venu refermer les portes de l'esclavage en ne le réduisant qu'à une seule cause. Une seule cause peut permettre de rendre une personne esclave. Quelle est-elle? Celui qui est pris captif parmi les kuffars qui a combattu l'islam lors de djihad. C'est celui-là seulement, avec sa descendance par la suite, également leurs femmes et enfants, ceux-là seulement sont réduits à l'esclavage. ثم قال ما أن الواجب على القائد أن يختار في المقاتلة أو مقاتلة من رجالهم الأصلح من الرق أو الفداء أو الإطلاق بلا فداء حسب طيب حسب المصلحة. Il a dit, et pourtant, par contre, le chef des troupes, c'est-à-dire un musulman qui a combattu les kuffars et qui l'a emporté, bifadlillahi ta'ala, il ne réduit pas forcément l'esclavage des prisonniers. Non, il choisit qu'est-ce qu'il y a de plus profitable, en réalité, avec les captifs. Soit les réduire à l'esclavage, soit les rendre en échange d'une rançon, c'est-à-dire prendre de l'argent de la part des kuffars, à d'autres kuffars, ou alors libérer, sans rançon, pour un intérêt. D'accord ? Il choisit, qu'est-ce qu'il en est. Donc ce n'est pas forcément un djihad, on prend les captifs, on les réduit à l'esclavage. Ce n'est pas dans l'absolu. Mais dans cette situation-là, cela est permis. Et cela peut être meilleur. Ça dépend de la circonstance, des circonstances. Le chef des troupes musulmanes ne lance pas d'assaut contre un peuple de kuffars, de mouchriquins, si ce n'est après les avoir invités à l'islam, en premier lieu. Là, c'est la base. Puis s'ils refusent, alors on leur propose la jizya, qui paye, c'est-à-dire, l'impôt, et se retrouveront sous la sécurité, avec des règles particulières qui leur sont propres. Non. Et s'ils refusent l'islam et la jizya, alors là, c'est le combat. Comme cela fut cité dans différents hadiths. Et le djihad. Pourquoi le djihad? قال تعالى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. La fitna, c'est du shirk. Et que la religion soit entièrement pour Allah. Là, le but n'est pas de faire un derr sur le djihad. Attention. Et ce djihad, comme on en parle souvent dans les durous ou quoi, on parle du djihad shari'i. C'est-à-dire le djihad avec les conditions requises avec un gouverneur musulman. D'accord ? On parle bien de cela. Pour pas que les gens comprennent mal les choses. On n'appelle pas là les frères et les sœurs à sortir et à combattre. Là, on parle direct du djihad, de sa base, lorsque celui-ci s'accomplit avec les conditions requises. À chaque fois, on le répète pour ne pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit et pour ne pas que des gens mal intentionnés tentent de nous faire passer, d'accord, pour ce que nous ne sommes pas. Bien qu'on dit que le djihad fait partie entière de la religion, il n'y a pas de tabou à avoir avec cela. Mais des fois, c'est un sujet qui est sensible, faire attention comment il est traité. Donc, on rappelle que ce djihad a pour but d'établir le tawhid et de le protéger, qui est Haqqullah al-Khas, le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Droit pour lequel nous avons été créés et placés sur terre. Car ce n'est que par sa restauration, c'est-à-dire du tawhid, que l'on peut établir l'ordre sur terre. Également le djihad. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat, lastakhlifannahum fil ard, kama istakhlafa alladhina min qablihim, wa lumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, lubaddilannahum min ba'di khawfihim amana. Ya'budunani. لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Que Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il agrée pour eux et il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ça, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. Cette promesse est basée sur une condition. C'est laquelle, la suite du verset, dans le sens où il dit « Il m'adore et ne m'associe rien. Donc, il faut adorer Allah et ne pas faire de shirk pour que cette promesse s'accomplisse. Mais cette adoration et cette absence du shirk ne seront possibles que s'ils se répandent sur les terres, et cela par quels moyens ? Par les moyens de la da'wah, d'une part, bien sûr, et du djihad. Et après, dans le sens où Allah dit, et quiconque mécroit par la suite, alors sont ceux-là les pervers. Donc une fois que tu as reçu la da'wah, tu as reçu l'argument, tu n'as plus d'excuses. D'accord ? Tu n'as plus d'excuses et tu perds la valeur que tu as. À ce moment-là, tu es exécutable ou tu es légitimement... tu peux te réduire à l'esclavage ou alors tu peux être amené ou contraint de payer la jizya. Là, on parle pour le kafir. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Que si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est détenteur de la faveur pour l'univers. Donc Allah fait qu'il y a des gens qui en combattent d'autres pour pouvoir quoi ? Empêcher que la corruption ne se propage sur terre. Et les koufars, ça, cette compréhension, ils l'ont également. Ils appellent ça « pas de paix sans guerre ». Là-dessus, on est tous d'accord. Maintenant, c'est quoi la paix pour nous ? Pour nous, la paix, c'est le tawhid et qu'il soit applicable. S'il n'est pas applicable, d'accord, la paix absolue n'aura pas lieu. Il y aura peut-être une paix, on va dire, conditionnée par un pacte qui aura, lui, un temps précis. Mais dès que les obstacles à ce pacte seront soulevés et disparaîtront, alors là, les choses changeront. Et les koufars, ça le savent. C'est pour ça qu'ils se battent pour ne pas nous, ou plutôt qu'ils se battent pour nous diviser et ne pas nous laisser pouvoir mettre en place la charia. Car ils savent très bien que le jour où les musulmans auront le pouvoir, ce qu'ils risquent de subir. Comme cela est arrivé avec les salafs auparavant, qui ont fait que l'islam soit expandé dans le monde, par quoi ? Par la da'wah, par les comportements, mais aussi, grandement, par le djihad. Donc, quand on a su cela, on ne peut que soit le proposer, c'est-à-dire le tawhid, et si on a la force, alors on doit l'imposer. Et quand on dit l'imposer, c'est-à-dire que l'autorité imposer le tawhid, c'est-à-dire que l'autorité soit sous sa régie. Et non pas forcer les gens à se convertir à l'islam, car on ne possède pas les cœurs. On ne peut pas forcer quelqu'un à se convertir à l'islam. On peut lui proposer. Et on lui dit, si tu entres en islam, il faut qu'il soit sincère. D'accord ? Comme on l'a dit. Maintenant, si tu ne l'es pas, ça va apparaître par la suite, tu seras munafiq, on le verra, biznillah ta'ala, ça se verra. Et si même si on ne le voit pas, Allah lui se jugera. Mais celui qui ne veut pas l'islam, alors on a expliqué tout à l'heure comment faire. Soit la jizya, s'il ne veut pas après, le combat. Et là on parle bien dans un jihad shari'i. Et non pas ce que font des gens aujourd'hui, comme les Daesh, comme les Qaïda et comme les groupes déviants, qui font plus de mal que de bien. Donc les koufars, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, tentent de diaboliser le jihad, en causant justement volontairement l'amalgame avec le terrorisme. Les koufars, vous pensez qu'ils ont instauré la démocratie et autres régimes en offrant des fleurs aux gens ? Ils l'imposent également aux autres par des guerres sanguinaires, destructrices et de façon officieuse. C'est la même chose chez eux, sauf qu'eux sont hypocrites. Nous, on est clair. Le musulman est véridique. Et parmi eux, certains sont véridiques également et sont passés pour des... eux-mêmes sont critiqués par leurs semblables. D'accord? Mais ces gens-là, qui appellent à cela, sont plus véridiques que les autres. Beaucoup de gens, par exemple, parmi les partis d'extrême droite, dans les pays de Koufar, sont des gens bien plus véridiques que d'autres. Ce à quoi ils appellent, c'est la base qu'il y a chez les Koufar. Tout simplement. Et ils ont l'audace de le dire et le courage de le dire. Faut le dire. Et également, c'est de cette manière, d'ailleurs, que le christianisme s'est répandu en Europe et dans beaucoup d'autres pays. Par quoi? Par les croisades. C'est par les croisades. Et les croisades, il y a eu tellement de mal qui en a découlé, si les gens savaient, Allah. Donc, comme l'a dit Cheikh Islam, rahimahullah ta'ala, à propos du djihad, le kafir n'est pas combattu pour son kufr, mais pour qu'il ne puisse pas s'opposer à l'expansion de l'islam. Soit il accepte et se soumet, l'islam, et ça c'est sa maslaha, c'est un khayr pour lui, ou soit il ne s'y oppose pas. Tu ne veux pas entrer en islam ? Tu ne veux pas l'accepter ? Alors mets-toi sur le côté. D'accord ? Ne t'oppose pas. Ne fais pas obstacle à l'islam. C'est ça le djihad. Et pour ne pas s'y opposer, tu es sous la jizya et sous le contrôle des musulmans. Car le subhanahu wa ta'ala, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce que les versent la capitation, c'est-à-dire la jizya, par leurs propres mains, alors qu'ils sont en état d'humiliation, c'est-à-dire qu'ils sont rabaissés. Et après, il y a une divergence, est-ce que la jizya est propre aux gens du livre ou à tous les koufars, et la vie prépondérante, c'est qu'elle est valable pour tous les koufars en réalité, et ça, c'est notre masala encore. Et on vous rappelle que la jizya est nettement moins coûteuse que les impôts et autres taxes que leur pays leur impose aujourd'hui. Et la sécurité que leur proposent les muslimounes est bien plus garantie que celle qu'ils ont dans leur propre pays, ces gens-là, aujourd'hui. Leurs biens sont protégés et leurs droits attribués par l'islam sont respectés. Et là, on parle bien dans un cas où la charia est appliquée comme il se doit. D'accord? Pour pas que les gens aillent dire, regardez, aujourd'hui, on va dans les pays d'islam, on se fait tuer, on se fait caser. Non. Aujourd'hui, les pays d'islam ne sont pas des références dans ce bab-là. Non pas dans un cas où la chose est appliquée dans sa nature, telle qu'elle doit être. D'accord? On parle du hukm de base. Et non pas du waqi' de l'actualité, comme cela se passe aujourd'hui, qui ne correspond pas à ce que Allah Azza wa Jal attend de nous. Nous sommes en transgression. Aujourd'hui, la Ummah est en transgression. Donc, il ne faut pas la prendre pour prendre ses actes comme référence et comme argument. Non. Donc, soit l'islam, soit la jizya, soit le combat, selon les règles. Et de là, si les musulmans l'emportent et que l'ennemi est pris captif, c'est-à-dire les vivants, alors il est en droit de devenir un esclave. La maslaha, c'est quoi? C'est que cela lui permettra, malgré lui, de voir les bienfaits de l'islam. Car là, il sera sous le contrôle des musulmans, donc il verra l'islam. Et cela, c'est un bien pour lui. Et s'il n'est pas musulman, il sera au minimum au service des musulmans, donc au service de l'islam. Et il sera privé de contribuer à l'expansion du kufr. Donc, vaut mieux pour lui qu'il soit un esclave kafir sous les contrôles des musulmans, qu'il soit un kafir libre qui propage le kufr. Même yom al-qiyama, ses péchés seront moindres. Car on l'aura empêché de les multiplier. Après, son cœur, on ne le contrôle pas. Donc, on comprend par là que cela n'est en aucun cas lié à une ethnie. L'esclavage n'est pas lié à une ethnie ou une classe sociale ou autre. Non. Contrairement à la traite des Noirs qui ont été considérés comme étant des sous-êtres, des animaux. D'accord? Cette mentalité raciste est étrangère à l'islam. L'islam s'y oppose miya bil miya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'il lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum inna Allah 'alimun khabir. Oh vous, les hommes, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Wa qala an-nabiy 'alayhi salatu wa salam ya ayyuhan nas alla inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Allah la fadl li arabi ala ajami wala li ajami ala arabi wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bit taqwa. Abballaght qalu balagh rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi le Nabi sallam le jour du Hajj al-Wada'? Il a dit: oh vous les hommes, votre seigneur n'est qu'un, votre père, c'est-à-dire Adam, n'est qu'un. Il n'y a aucun mérite pour l'arabe sur le non-arabe, ni pour le non-arabe sur l'arabe. Ni du rouge, c'est-à-dire l'homme rouge sur l'homme noir, ni l'homme noir sur le rouge, ni le blanc sur le noir, ainsi de suite. Si ce n'est par quoi? La taqwa, par la crainte d'Allah. Après, il a dit, ai-je retransmis? En levant son doigt vers le ciel, ils ont dit, tu es retransmis. Il a dit, falyubalir al-shahid al-ra'ib, que le présent en informe l'absent. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Nous avons certes honoré le fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Donc là-bas, c'est que l'être humain, d'accord, il est honorable. Et Allah nous a préférés aux autres créatures, parmi les animaux et bien d'autres. Or, la traite des Noirs, pour ceux qui ne le savent pas, elle fut même légitimée par certains, c'est pas par tous, par des versets bibliques dans la Bible, c'est-à-dire au nom de la religion. Ça c'est où? Dans la Genèse, dans l'histoire du déluge, où vous pourrez lire, je cite un passage, d'accord? Après que le déluge a pris fin, Noé, c'est-à-dire Noé, là, c'est écrit Noé, sort de l'arche avec les siens et plante une vigne, les champs de vigne de raisin, s'enivrant de son vin. A'oudhou billah, regardez déjà là. On fait passer Noé pour un khammar, un ivrogne. Est-ce que le vin était permis? On ne sait pas. Mais il est certes inconcevable de dire qu'un prophète ait perdu la raison et soit enivré. Ça, c'est pas possible. Car le prophète représente le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, après ils disent dans la Bible, Cham, qui est l'un des fils de Noé, et qui est le père de Canaan, je pense que ça se prononce comme ça, Canaan. Donc Canaan, c'est le petit-fils de Noé. Donc Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père. Il a vu son père nu. Et le rapporta alors à ses deux frères, qui sont Sem et Japheth. Sem et Japheth. Réveillé, Noé, comme dans écrit dans la Bible, condamne Canaan, le fils de Shem, à être l'esclave des esclaves de ses frères, avant de bénir Sem et Japheth. Ça, c'est dans quoi? Un passage dans la Genèse. Donc, regardez bien. Maintenant, en apparent, il n'y a rien. D'accord? Mais des gens parmi eux, parmi leurs mufassirines, ceux qui interprètent la Bible, disent qu'en fait, Canaan est devenu noir. Qu'il est devenu noir par la suite, et sa descendance sont les noirs. Ça, ce n'est pas dans la Bible en soi. Mais des gens ont pris la Bible et ont interprété ces versets comme cela, pour justifier leurs actes. Donc, qu'est-ce qui se passait quand ils avaient pris des esclaves? Ces derniers étaient christianisés et cultivés à se voir eux-mêmes comme étant maudits et destinés à ce statut, quoi qu'il arrive jusqu'à leur mort, du fait qu'ils étaient noirs. C'est-à-dire, tu es un fils de maudit, tu es un fils de Canaan, et Noé a fait une invocation contre vous, et que Allah, c'est-à-dire Dieu, comme ils le disent, a appliqué. Khas, c'est comme ça. Hadam. Tu vois. C'est comme ça qu'ils ont fait. Donc le noir se soumettait par cela. Il acceptait. Et bien sûr, on sait que cette histoire de Noé s'oppose totalement au texte islamique. Comment Canaan, d'après ce qu'ils disent, et sa descendance pourrait subir la faute de leur père? Ça, en islam, ça n'existait pas, ça. Ya ayyuhan nas, ittaqoo rabbakum, wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun wajazun an walidihi shay'a. Ô homme, craignez votre Seigneur, redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. Wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru wazilatun wizra ukhra. Chacun acquiert le mal de son détriment et personne ne portera le fardeau et la responsabilité d'autrui. Donc ça s'oppose au adl. Pour dire que ce texte-là, on n'y croit pas, tel qu'il est cité ici. Aller chercher et kidnapper des gens libres pour les réduire à l'état d'esclavage, comme l'ont fait justement ces Européens et Américains avec les Africains, est une chose qui est interdite en islam. A Nabi Hurayra, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, salathatun, ou qala Allah azza wa jal, salathatun, ana khasmuhum yawm al-qiyamah. Rajulun a'ta bi, thumma ghadar. Wa rajulun ba'a hurran, fa'akala thamanah. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. Il a dit quoi? Un hadith qudsi. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla l'a dit: je suis l'opposant et je disputerai trois personnes, en particulier le jour de la résurrection. Qui sont-ils? Un homme qui a donné, c'est-à-dire un pacte en mon nom, puis aura trahi. Le deuxième, c'est ça le shahid, un homme qui aura vendu un homme libre et qui aura consommé le prix. Exactement ça. C'est-à-dire, tu l'as pris, un homme libre, tu l'as vendu, et avec l'argent, tu as consommé cet argent-là. Et troisième, c'est un homme qui aura employé un autre homme, et ce dernier employé aura fait son travail et n'aura pas été payé. Ah. Donc, est-ce que là, cela est comparable? Non. L'esclave, en islam, est bien traité par l'islam. Je dis bien par l'islam, je ne dis pas par les musulmans, je dis par l'islam, à la base. Et il a beaucoup de droits. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده أو تحت يعني فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلف من العمل إلا ما يغلبه أو بل ليكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه رواه أحمد. Il a dit quoi ? En parlant d'esclaves, ils sont vos frères. Et en parlant des esclaves musulmans, ils sont vos frères sous votre autorité. Donc celui qui aura mis son frère sous le contrôle de son frère, alors qu'il le nourrisse de ce qu'il se nourrit lui-même, et qu'il le revêtisse de ce dont il se revêtit lui-même, et qu'il ne lui impose pas de travail trop difficile qu'il ne puisse supporter. Et si jamais il a une tâche qui lui est trop difficile, alors tu dois l'aider, c'est-à-dire le maître doit aider l'esclave. Et là, il parle droit du musulman esclave, d'accord, d'un autre musulman. Maintenant, quelqu'un va dire, mais vous avez dit que c'est que le kafir qui est rendu à l'esclavage. On dit, non, de base, mais ce kafir par la suite, il peut se convertir. Donc il devient musulman. Maintenant, son islam n'implique pas forcément qu'on doit le libérer. Non. Mais l'islam y incite, par contre. L'islam incite grandement à libérer l'esclave une fois devenu musulman. Et kazalik, celui qui est esclave, d'accord, sa descendance deviendra également esclave. Donc c'est à dire que des fois, tu as un enfant qui est musulman, il est né musulman, mais l'esclave, pourquoi ? Parce que son père l'était. Son père n'a pas été libéré. D'accord ? Et ainsi de suite. À part dans des cas qu'on va citer également par la suite. Donc, nombre de versets de hadith prouvent qu'il faut libérer l'esclave musulman. Il y a un grand H derrière. Par exemple, dans les règles de kafarat, takfir al-dhunub, expiation, comme par exemple dans le meurtre d'un musulman par erreur, même ta kafir par erreur, ou le serment non respecté, ou al-zihar, c'est le fait d'avoir rendu illicite sa propre épouse. D'accord ? Parmi les premières choses à faire pour expier cette faute-là, il y a la libération de l'esclave pour ceux qui en possèdent. Et wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Hurayra ayyuma rajulin a'taqa imra'an muslima istankazahu Allah bi kulli aduwwin minhu aduwan minhu min an-nar. Qu'il a dit tout musulman, ou plutôt enfin tout homme qui aura libéré un esclave musulman, Allah préservera chacun de ses membres du feu, c'est-à-dire chaque membre libéré de l'esclave sur une cause de protection de ses membres à lui-même du feu. Et au hadith muttafaqun alayh. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thalathatun lahum ajran. Rajulun min ahli kitab amana bi nabiyhi wa amala bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wal 'abdu al-mamluk idha adda haqq Allah wa haqq mawalihi. Wa rajulun kanat 'indahu amatun fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allama fa ahsana ta'limaha. ثم احتقها فتزوجها فلو اجران. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ? Trois catégories de personnes auront deux récompenses. En premier lieu, un homme parmi les gens du livre qui aura cru en son prophète à lui, c'est-à-dire Isa, ou si c'est quelqu'un avant lui, un Yahoudi croyant en Moussa, d'accord ? Puis qui a cru en Mohammed lorsqu'on lui parlait de lui. Donc lui, il aura deux récompenses. La récompense pour sa foi précédente et la nouvelle en Mohammed qui est la vraie. Ça, c'est le premier. Deuxième, c'est l'esclave justement qui rendra le roi d'Allah, c'est-à-dire c'est un musulman mouahid qui obéit à Allah azawajal et également qui rend le droit de son maître. Car les maîtres, évidemment, ils ont des droits sur leur esclave. Et le troisième, c'est un homme qui avait une femme esclave, il l'a éduquée correctement, il lui a enseigné correctement, puis l'a libérée. Puis s'est marié avec elle. Il aura deux récompenses. Regardez. Est-ce que ça était présent dans la traite des Noirs ? Sûrement pas. L'esclave, en islam, a lui-même l'opportunité de pouvoir se racheter. De racheter sa propre liberté. S'il relie de l'argent, puis il le donne à son maître. On appelle ça Al-Muka'atib. Ça s'appelle ce genre d'esclave Al-Muka'atib. Quand Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Et ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si, à condition, vous reconnaissez du bien en eux. C'est-à-dire son esclave droit qui mérite. Car certains, si tu les libères, ils vont faire du mal. Même un musulman. Donc, mieux vaut qu'ils restent esclaves. Et donnez-leur des biens d'Allah qui vous a accordé. C'est-à-dire, tu l'aides. Tu l'aides à se libérer. Il faut le soutenir en cela. Donc, ça, c'est le Mukatib. Il y a également Al-Mudabbir. Mudabbir, c'est lequel? Celui qui a un engagement avec son maître. Son maître lui dit, si jamais je meurs, tu es dit libre. C'est-à-dire, tu ne reviens pas à mes enfants, ou par la suite. Personne n'hérite de toi. Le jour où je meurs, tu es libre. D'accord? Et comme dans le verset on a vu, كذلك, قال, وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَى إِنْ أَرَضْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَوْا رَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ كِرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Et si on les y contraint, Allah leur accordera alors, après qu'elles étaient contraintes, son pardon, sa miséricorde. C'est-à-dire que la femme esclave, tu ne peux la forcer, tu n'as pas à la forcer ou te servir d'elle pour qu'elle devienne prostituée et prendre son salaire. Non, elle doit rester chaste. Et elle peut même se marier. Et si elle se marie, son maître n'a plus le droit d'avoir des rapports avec elle. D'accord ? Elle devient une femme chaste avec son mari. Et son mari peut être un homme libre. Mais c'est makrouh pour l'homme libre, musulman. D'accord ? Il y a d'autres règles par rapport à cela. Mais si elle se marie, son maître n'a plus aucun droit de rapport sur elle. Non. Et le maître qui aurait des rapports avec sa femme esclave, c'est-à-dire celle qui n'est pas mariée, l'enfant qui vient de cet accouplement, il naît libre. L'enfant lui sera libre, car il sera le fils du maître. Et sera affilié à son père. Et elle, cette femme esclave, deviendra libre elle-même après la mort de son maître. On appelle ça Umm al-Walad. Tant que le maître est vivant, elle reste esclave, sauf s'il veut la libérer. Et le jour où il meurt, elle devient libre. Car il est obligatoire à l'enfant de libérer ses proches esclaves, s'il en a la possibilité. S'il a de l'argent, il doit les racheter. D'accord? Si son père, par exemple, le seul droit qui peut être rendu à nos parents, ce serait qu'ils soient esclaves et qu'on les rachète pour les libérer. Pour avoir leur rendu leurs droits pleinement. Sinon, on reste, en dehors de cela, on ne pourra pas leur rendre leurs droits, si ce n'est qu'en leur obéissant, jusqu'à la mort. Dans le ma'rouf, dans le convenable. Alors que regardez bien, donc on dit, le maître qui a un rapport avec sa femme esclave, l'enfant qui naît sera affilié à lui. Mais si cette femme esclave est mariée et ils ont un enfant, l'enfant sera affilié à son père. Alors que dans la traite des Noirs, les esclaves, quoi qu'ils fassent, étaient affiliés à leur maître et portaient leur nom. D'accord ? Ils portent leur nom jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, nous les Antillais, on porte le nom de ceux qui ont pris nos ancêtres en esclavage. Aux États-Unis, les Afro-Américains, comme ils appellent, portent le nom de leur maître. Donc, combien de généalogies ont été brisées à cause de cela? C'est-à-dire, le maître avait des rapports avec sa femme esclave, d'accord? Et l'esclave, elle-même, avait peut-être un mari ou des rapports avec d'autres, donc l'enfant est né, on ne sait même pas ce qu'il perd. Alors que l'islam est venu pour protéger, justement, al-nasab, la généalogie, c'est parmi les 5 priorités de l'islam. Alors que cela a été détruit par l'esclavage, la traite des Noirs. Tu ne sais même plus qui sont tes arrière-grands-parents. Est-ce que c'était un blanc? Est-ce que c'était un noir? Est-ce que c'était Fulen? Oh Fulen, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas. Complètement mélangé. Donc après, est-ce qu'on peut se permettre de comparer? La Mukarana. Aussi savoir que l'homme qui est libre n'est pas forcément plus honorable auprès d'Allah que l'esclave. Ce n'est pas auprès d'Allah, ce n'est pas un abaissement. Au contraire, peut-être meilleur que lui. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. Il a dit quoi, Abu Huraira? Que le Nabi صلى الله عليه وسلم, il a dit que le serviteur, on va dire plutôt l'esclave, qui est pieux, aura deux récompenses. Sa récompense, comme on l'a dit tout à l'heure, pour avoir obéi à Allah Azzawajal, et sa récompense pour avoir obéi à son maître. Et il a dit quoi, Abu Huraira, après? Il a dit, par celui dont mon âme est dans sa main, il a juré par Allah, si ça n'avait pas été le djihad, ou faire le hajj, ou la bienfaisance envers ma mère, j'aurais aimé mourir, alors je suis un esclave. Regardez, Abu Huraira, il dit, j'aurais aimé mourir, je suis un esclave. Pour dire que ça n'aurait pas été forcément une honte. Pourquoi pas le djihad? Parce que l'esclave n'est pas, il est la propriété de son maître, c'est-à-dire qu'il ne peut rien faire dans ces choses comme le djihad ou le hajj sans la permission de son maître. Alors celui qui est libre, il est libre. D'accord ? Il y a eu des grands hommes qui furent esclaves. Par exemple, il dit que Luqman, rahimahullah, qui est cité dans le Coran, c'était un homme noir qui était esclave. Pourtant, dans le Coran, il est cité comme étant un homme de sagesse qui a appris le tawhid à son enfant. Ça, c'est un tafsir. D'accord ? Il y avait qui, par exemple, Ata ibn Abi Rabah, parmi les salafs, parmi les tabi'in. C'était un imam de l'islam, respecté, incontournable jusqu'à ce jour. Il fut esclave. Et Allah l'a élevé par quoi ? Par son ilm. Car il y a des gens qui, si on, regardez bien, certaines personnes qu'on connaît autour de nous, tous, on en connaît des comme ça, en réalité, voilà, on se dit, si ces gens avaient été esclaves, ça aurait été meilleur pour eux. Quand on voit le mal qu'ils font, et comme ils n'arrivent pas à gérer leur vie, on se dit, il aurait été mieux pour ces gens-là qu'ils soient sous le joug de quelqu'un de droit, qui les maintienne, qui les contienne, les contrôle, pour les priver de s'auto-détruire, ça aurait été meilleur pour eux que de les laisser libres comme ça, à la dérive. Il y a des gens, on les voit comment ils sont perdus, voilà, ils sont ni bien, ni mal, ils ne savent même plus où est-ce qu'ils sont. Je parle de gens libres. Parmi des musulmans, parmi des koufars. On dit, ces gens-là, wallah, ça aurait été mieux pour eux qu'ils soient esclaves. Et sous la main de quelqu'un qui est droit, bien sûr. Justement, j'ai un hadith, an al-Bukhari, an Abi Huraira, radiallahu anhu, qu'a Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ajaballahu min qawmin yadkhuluna al-jannah fi al-salasin. Que Allah s'étonne. Et là, c'est un étonnement. Parmi ces sifats, c'est pas un étonnement. Une chose qu'ils ne savaient pas, s'y attend pas. Là, a'ouzou billah, c'est un étonnement du fait que c'est une chose qui sort de l'ordinaire, en fait. Comme les savants l'ont expliqué. Une chose qui sort de l'ordinaire. Sinon, Allah, il le sait. Donc, Allah s'étonne de gens qui seront rentrés au Jannah par des chaînes. C'est-à-dire qu'ils seront tirés par des chaînes. Malgré eux. Et Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, est interrogé par ce hadith. C'est quoi le sens? Il dit, en fait, ce sont des gens qui ont été pris captifs pendant le djihad, des koufars, et qui se sont convertis à l'islam et entreront au Jannah. C'est-à-dire, en étant koufars, ils ont été enchaînés par les muslimines. Ensuite, Allah les a guidés vers l'islam et furent parmi les gens du paradis. Naam. Regardez le fadl. Donc, voilà, quand tu vois un kafir aujourd'hui, on te dit, toi, ça aurait été mieux que tu sois un esclave pris sur le djihad que ce que tu es là actuellement, là, si tu meurs en kafir. Ça aurait été meilleur pour toi. Et on précise bien que, par exemple, il se peut qu'il y ait un combat entre des muslimines. Un gouverneur muslim qui combat un groupe de muslimines, par exemple des khawarij, ou des gens qui refusent de payer la zakat, ou de faire des emblèmes de l'islam, le gouverneur peut les combattre. Ça s'appellera un djihad. Mais ces gens-là ne seront pas réduits au esclavage et leurs biens ne seront pas pris en butin. Là, pourquoi ? Ce sont des musulmans. Ils peuvent être mis en prison, ils peuvent subir des sentences, mais mis comme esclaves, là, ce n'est pas permis. Et prendre leurs biens comme butin, non, ce n'est pas permis. Car les biens, la vie, et l'honneur et les biens des muslims sont sacrés, comme vous le savez. On a fait le tour, de façon globale, qui suffit à éclaircir un peu sur la question. Car, il y a un point aussi également très important, on l'a dit tout à l'heure, mais je veux rebondir dessus, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre ce que font les muslimines et ce à quoi appelle l'islam. Car il y a eu une arme, il y a eu des arabes, même parmi les muslimines, qui ont fait la traite des noirs. Mais ce qu'ils ont fait, c'était interdit. Tout comme aujourd'hui, on voit des muslimines qui forniquent, alors c'est interdit. On voit des muslimines qui boivent de l'alcool, alors c'est interdit. On voit des muslimines qui tuent, justement, alors c'est interdit. On voit des muslimines qui volent. Mais ce n'est pas l'islam qui appelle à cela. Nous, on parle bien là des règles de l'islam et non pas des actes des muslimines. Ne pas faire l'amalgame. D'accord? Ne pas faire l'amalgame. On parle de ce à quoi Allah Azzawajal, il appelle. Car des gens étant de tromper les gens en disant que, par exemple, ouais, les noirs en islam ont été trompés. D'accord? Car les muslims sont venus, ils ont fait le djihad, ils ont pris en esclave, après ils leur ont dit, si vous rentrez en islam, vous serez libérés. Après, ils ne les ont pas libérés. Ils n'ont pas libérés. Cette histoire-là, je ne sais même pas si ça tient debout, car quand on regarde bien l'histoire de l'Afrique, la plupart de ces pays-là en Afrique sont rentrés en islam par la da'wa, par le commerce, et non pas par le combat. C'était plutôt les pays du Maghreb qui ont été conquis par le combat. Mais les pays d'Afrique noire, eux, c'était par la da'wa, par le comportement en général. Regardez le Najashi, comme il est rentré en islam le Najashi, par la da'wa des sahabes. Si vraiment des Arabes ont fait la chose après la venue de l'islam, cela est une faute de leur part. Et l'islam n'a pas à le porter. D'accord ? Allah, Azzawajal, est innocent de cet acte-là. Donc ne pas le prendre comme un argument. Et on va dire à ces gens-là maintenant, je suis principalement des pro-blacks, car ce sont souvent eux qui se servent de ce genre de choses, pour dire, regardez, même les musulmans, ils font ceci, ils font cela, ils vous parlent de je ne sais quoi. Alors qu'eux-mêmes, ils ont fait la traite des Noirs, les Arabes, ils ont fait ci, ça, cela. Donc on a dit, ce que les Arabes ont fait, c'est une chose. Ce que l'islam, ce à quoi l'islam appelle, c'est autre chose. D'accord? Et ces gens-là, tu verras parmi eux, ils ont une fierté à pouvoir se raffilier à l'Égypte antique. Parce que les Égyptiens ont eu un moment de gloire. Comme vous le savez, c'est un empire qui était très fort, qui a le contrôle sur Terre, comme ce fut le cas des Perses, comme ce fut le cas des Romains, comme ce fut le cas de différentes civilisations. Les Égyptiens, ils ont eu leur part là-dedans. Et eux disent que c'était des Noirs à cette époque-là. C'est ce qui est répandu. Car quand tu regardes les hiéroglyphes, ce genre de choses, c'était des gens qui étaient Noirs. Les pharaons, c'était des gens Noirs. Bon. Dans le cas où c'est vrai, cette parole-là, admettons que ce soit vrai, que les Égyptiens, l'Égypte antique, étaient des Noirs. Ces gens-là n'avaient pas des esclaves. Est-ce que ces gens-là, les Égyptiens, les pharaons, n'avaient pas d'esclaves? Donc cela montre bien que vous êtes juste des trompeurs. Vous prenez pour un crime contre l'humanité, contre votre ethnie, mais vous raffiliez un peuple qui a eu la gloire, alors qu'eux-mêmes ont fait l'esclavage. Et c'est connu que les peuples de Pharaon ont réduit, par exemple, les fils d'Israël à l'esclavage. D'accord? Donc en fait, c'est juste une question de c'est même pas une question d'humanité, c'est une question d'ethnie, c'est racial en fait. Que les gens combattent l'esclavage parce que c'était les Noirs qui étaient esclaves. Ça aurait été autre chose. Ça aurait pas été la même mise. Ça aurait pas été le même jugement. Mais quand c'est les Noirs, voilà, ils font les victimes. Bien qu'on condamne l'esclavage. Mais ces gens-là, aujourd'hui, qui parlent par rapport à ça, ils veulent revendiquer des droits, ils sont eux-mêmes incohérents. Pour beaucoup d'entre eux, si ce n'est pas tous. Beaucoup d'entre eux. Et notre vision de l'esclavage, en fait, elle était entachée par celle qui était faite à cause de la version de l'esclavage faite par les koufars. Et quand je dis les koufars, je parle des occidentaux, européens, américains. C'est-à-dire les blancs. Qui aujourd'hui, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui glorifient les valeurs humaines. Et en vérité, ces valeurs sont leurs valeurs à eux, de leur personne qu'ils veulent. C'est pas les valeurs humaines, qu'on les glorifie eux. D'accord? Aujourd'hui, ils prônent pour les droits de l'homme, se vantent d'avoir aboli l'esclavage, et se font passer pour des héros justiciers qui ont établi l'ordre sur terre, et libérateurs, mais la traite des Noirs, c'est qui l'a faite à la base? C'est qui? Demandez-leur, c'est qui est venu avec? Hein? Ça veut dire, en fait, c'est vous les oppresseurs. C'est, comme je le dis souvent comme exemple, ils voient l'enfant qui pleure, ils le consolent, ils sèchent ses larmes, ils lui offrent un bonbon, et condamnent la violence et la maltraitance des enfants, mais à la base, c'est lui qui l'a frappé. À la base, c'est lui qui l'a violenté. Et à la base, c'est lui qui l'a martyrisé. Donc, ils appellent ça un peu le pompier pyromane. Non. Le pompier pyromane. Ça revient à ça. Kazalik t'envoie plein parmi eux qui te disent, ouais, ces crimes ont été commis par nos aïeuls dans le passé, mais nous condamnons leurs actes, cela était un crime, Kazalik. T'as dit, mais vos aïeuls, là, dont vous parlez, là, il y en a combien de rues dans vos pays qui portent leur nom? Combien de places publiques portent leur nom? Combien d'établissements scolaires dans lesquels on enseigne à vos enfants portent leur nom? Combien même il y a encore de statues de réfugiés, donc, qui font la fierté de votre pays, qui sont encore aujourd'hui, visibles? Combien d'entre eux? Voilà, c'est une hypocrisie, elle est incroyable, de ces gens-là. T'as condamné, bah condamne ces gens-là également alors. Dis que c'était des esclavagistes racistes. Non, ils vont pas le dire. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont fait la gloire de leur pays. Ils ont bâti l'histoire de leur pays. Donc vous voyez? Donc ça mène à quoi? Lorsque le noir, il entend ça, bah, il est révolté. Il dit, attends, tu condamnes l'esclavage, mon enfant, il va à une école qui porte le nom d'un esclavagiste. C'est quoi ça? Ouais, c'est incohérent. Mais bon, ça, ce sont vos problèmes à vous, problème de koufar, wallah. C'est juste pour vous montrer comment vous êtes. Mais nous, ça ne nous concerne pas, ça. L'islam, il a des règles. Elles sont claires, et elles sont justes, et elles sont droites. Qabilaha man qabilaha, wa rafadaha man rafadaha. Et parmi ces gens, parmi les gens qui appellent à condamner l'esclavage, beaucoup d'entre eux, ils ont encore justement cette idéologie d'esclavagisme. Ils l'ont encore en eux, hein, de voir l'homme blanc supérieur à l'homme noir. C'est juste que l'opinion publique les empêche de l'exprimer. Ouvertement. Mais il est encore en jusqu'à aujourd'hui. On te dit esclavage, casa, casa, et au fond de lui, il traite ses employés noirs comme de je ne sais quoi. Et il voit que si demain il avait l'occasion de pouvoir le faire, il les traiterait comme des esclaves, encore à nouveau. Il y en a plein des comme ça encore. Donc attention, je n'appelle pas à la haine raciale, jamais. A'udzubillah, hadha min al-jahiliya. Je ne suis pas raciste. Je n'appelle pas à soulever les noirs contre les blancs. Là, innamal mu'minun ikhwa. Les muslims font frères, quelle que soit leur couleur. Et même en dehors de l'islam, les gens, comme on l'a dit, ce qui les différencie, ce sont leurs valeurs. Et leurs actes, et pas leur couleur. Mais cette histoire d'esclavage, ce n'est pas une question de blanc vraiment de noir. Mais ce sont les noirs, les blancs qui ont le, par rapport à ça, qui ont le dessus. Mais c'est une question de suprématie. Noir ou blanc, l'être humain cherchera toujours à dominer son prochain et s'emparer de ses biens par soif de pouvoir. Cependant, certains ont eu le potentiel de combler leur soif et d'autres non, c'est tout. Car certains, comme on l'a dit, les pharaons, dans lesquels ils étaient vraiment des noirs, ont réduit eux-mêmes des peuples à l'esclavage. Parce qu'ils avaient, à ce moment-là, ils avaient le pouvoir. Et tu verras d'autres peuples qui n'étaient pas forcément blancs, ont réduit d'autres peuples à l'esclavage. Peut-être même des leurs. Voire même, Ya Rabbi, les blancs occidentaux qui ont pris des noirs à l'esclavage, comment ils ont pris? Ce sont des noirs eux-mêmes qui ont vendu les noirs d'Afrique à ces blancs-là. Soit ces noirs dirigés étaient payés par des blancs, les dirigés vers les villages pour prendre les tribus, ou soit alors eux-mêmes, ces noirs, allaient les prendre entre eux, par force, et les amener sur une île pour les vendre aux blancs. Vous croyez quoi? Que le blanc, il arrive comme ça sur une île, il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas le lieu, et il va arriver, il va prendre des gens comme ça. Il lui faut un guide. Il lui faut une indication. C'est qui? Ça va être l'hypocrite du peuple qui va faire cela. Et c'est qui? C'est un noir lui-même, un vendu. Comme chez nous les moussémounes. Nos vendus sont nos mounafiqounes qui vendent les moussémounes au kuffar. Ce sont les mêmes. Dans les guerres, celui qui a fait la plus grande cause de perte des guerres, c'est celui qui ouvre la forteresse à l'ennemi pour que l'ennemi rentre à l'intérieur. Ou celui qui, donc tu tires sur l'ennemi, dans ton dos, il vient et te plante. C'est toujours cela. Des mounafiqounes dans toutes les races, dans toutes les ethnies et dans tous les, même dans les religions. On aura toujours des comme ça. Les pires espèces. Allah. Donc, maintenant, pour finir, ça sert à rien de vouloir remuer les terres pour tenter de vouloir convaincre les détracteurs haineux. Il y en a, ils ne vont pas accepter. Quoi qu'on dise, ils ne vont pas accepter. D'accord? Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. D'accord? Le croyant sincère, lui, à la base, n'a pas besoin de tout cela pour pouvoir croire. Juste, il se peut qu'il se pose des questions dont il souhaiterait avoir des réponses en vue d'augmenter sa foi, son ilm, et de même son iman, de pouvoir déclarer des gens. Comme quand l'Ibrahim, où est-ce qu'on l'Ibrahim, Rabbi al-Ni kifatuhil mawta, qu'al awalam tu'min, qu'al abala walakin liatma'inna qalbi. Lorsqu'Ibrahim, il a dit, oh Allah, montre-moi comment tu fais, redonne la vie à la mort. Quand tu ne crois pas, dis si, mais pour que mon cœur s'apaise. C'est-à-dire, celui qui a vu une chose a encore plus de conviction que celui qui n'a pas vu. Même s'il croit déjà à la base. Yusama hada ilm al-yaqin. Il a bien dit le Nabi Salam, si vous saviez ce que je sais, d'accord, vous pleuriez beaucoup et vous rigoleriez peu. Mais comme on ne sait pas, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire, on sait de façon comme ça, théoriquement, mais on n'a pas vu ce que lui, il a vu. Et quant au damné, celui qui voit la perte, quoi que tu apportes comme preuve, il n'acceptera pas. Comme quand le Ta'ala, « وَرَوْ أَنَّنَا نَزَلْنَا إِلِيمُ الْمَلَائِكَ وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلِيمُ كُلَ شِيْنْ كُبُلَا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, c'est-à-dire comme ils l'ont demandé, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ne croiraient que si Allah le veut. Mais la plupart d'eux sont ignorants. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal l'a dit à son prophète, en particulier, et aux croyants de façon générale, « Fazakir in nafa'ati zikra. Fazakir in nafa'at zikra. » Rappelle donc si, ou le rappel doit être utile. Ça veut dire rappeler, comme l'a dit l'imam Shankiti, nous rappeler, de faire le rappel que s'il apporte un profit. Même quelqu'un, tu sais, qui refuse, qui n'écoute pas ou quoi, il n'y a pas besoin de lui faire le rappel encore. D'accord? Ce n'est pas la peine. Tu l'es censé lui être dit une fois, même une fois, c'est le parvenu. Le rappel ne servira à rien, celui-là. Ne perds pas ton temps avec lui. Et déjà, également, ils ont le cœur scellé. Allah Azza wa Jal a scellé leur cœur à ce qu'ils refusent la vérité. Donc, faire le rappel à ces gens-là, bien qu'on ne connaît pas le contenu des cœurs, mais on voit par leur comportement qu'ils sont obstinés et hostiles, ça ne sert à rien d'assister auprès d'eux. Non. فَذَا الَّذِي أَرَدْنَا الْيَوْمِ مِنْ هَذِي اللَّقَى فَبِهَدَكَ قَدَرْنَا اكْتَفِي وَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.